Ça doit être bon, comme des bons moments dans Assemblage requis, émission du matin. Ça devrait, comme dans... Ça serait le fun que ça soit... Pour une fois, c'est ça, pour une fois. voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'Assemblage requis de la semaine du 17 février 2014. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis. Alors, c'est lundi 17 février 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Pas si fort que ça, je m'en ai la tête. Moi, c'est Jean-Philippe. Non, j'ai mal à... Non. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. OK, bonjour. C'est l'émission 666 Super Rock Heavy Metal. Oui, c'est vrai. Fait qu'il faut être rock. Faut animer de la gorge. si tu veux, on rajoutera un peu de satin. Satin? Oui, c'est de là qu'on s'attend pas à ça. Non! Merci, merci. Jésus. Ça va entendre Limp Bizkit Ready to Go. Oh, ça va être rock, ça? Ouais. Yes. C'est la version sans Lil Wayne, en plus. Il y a avec ça. Quoi, sans petit Little Wayne? Un Wayne complet. On est tight. Oui. Sans cesse tight. Ça marche les fesses serrées tout le temps. J'en peux plus d'être tight, Mathieu. Ça fait mal. Comme dirait Charles Tissard, qui lui aussi a les fesses serrées parce que ça te serre les fesses. Mais lui, il n'y a pas de problème avec faire pousser ses tomates parce qu'il fait pousser ça dans une petite serre. Bonjour. Hey, ma petite serre, viens m'aider. Sa petite serre. Ben après ça, tu sais, on pourrait avoir une émission genre Mathieu, genre. Mathieu. Ah, Mathieu au corps. Mathieu, ah. C'est comme Peter, mais lui, il me vole mes jokes. Ouais, je vole les jokes faciles que moi, tout le monde pourrait job. Avoir. Ah, j'en peux plus. C'est des M&M, genre. Oh. J'aurais vraiment une trademark avec ça. J'ai plus là-dedans, marche pas pantoute. Non, je serais la noix à l'intérieur. Tu seras la noix. C'est trop facile. Ah, ta blague, c'était-tu genre qui sont tellement petites qu'ils rentrent dans un M&M? C'est noix. La JP, c'est ça la blague. C'est ça la blague. Je voulais être sûr de l'avoir. Là, je vous aurais apporté deux Ferrero Rocher. Les poissons de sushi, là, les yakuza. Un yakuza de réception. Un yakuza de réception, c'est comme un yakuza de réception. On l'a pas eu dessus. Tu as eu le temps de te faufiler une dernière gorgée de café pendant les. Rapido. T'es un vrai ninja du café, toi. Café ninja. Tu vois, j'ai même pas essayé parce que je savais que ça se faisait pas. Ouais. Je te laissais ta chance quand même. Merci, Mathieu. Merci. Ça fait plaisir. Oh. Je prête un gilet à quelqu'un et arrive avec le colis. Laisse un véhicule à quelqu'un, une espèce de bestiole mécanique complexe avec plein de gadgets, puis de trappes à ouvrir, puis de portes, puis de portières, puis de trucs. C'est le char boyard. Pendant minimum 4 ans, attends-toi ce qui arrive avec des pocs, puis que... Les deux nains dans la valise. Encore char boyard. Je te partis là-dessus. Moi. Sur char boyard? Ouais, char boyard. Je vois ça bien drôle. Ouais. Donc c'est ça. C'est comme quand on bouche la toilette. C'est ça. On a besoin d'utiliser le siphon. On se sent pas particulièrement intelligent. On trouve qu'on aurait dû faire certains choix pour éviter de se rendre jusque-là. Donc, les fibres. Et voilà. Les fibres. Le Festival international de l'Anaudière. Donc, on le salue. Salut. L'Anaudière, yesterday's ring. Ah oui. L'Anaudière. Mathieu, comment? C'était ma joke. Je m'en allais l'affaire. Oh, mort. Je suis tanné. Je détaille sur lui, je pense. Oui. C'est le bon genre de blague pas la tienne. Fait que, oui. Après, plutôt pas mes blagues. Hier, il était fiancé. C'était l'anneau d'hier. C'est les hémorroïdes, oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même super intéressant de venir. Et j'avais une idée, puis tu me l'as fait faire. Ouais, je m'excuse donc. Bravo, Mathieu. Ben oui, bravo. Félicitations. C'est super intéressant. Bravo. Vraiment, là. Voilà, Stéphanie Paradis. Hella. Hella, hella. Ouh, ouh, ouh, ouh. Pose-toi des questions. Pose-toi-les. Et réponds toi-même, parce que il pose la question, c'est y répondre, comme on dit. Hein? Ouais, voilà. À qui le petit cœur après 9h? C'est une question piège, ça. Après quelle heure? 9h. Nous autres, c'est 9h30. Ben, à qui le petit cœur après 9h30? À la sécheuse. Incubus, un groupe qui a marqué mon adolescence. Fucké. Non, pas si étrange que ça. Mathieu, je suis sûr que la tienne était beaucoup plus troublante que la mienne. Ben oui. Ben tu oui. Connais, là. Il devait tellement être rebelle. Oh, ben déjà, toi, ta musique dans ton temps, c'était pas ma musique parce que t'es beaucoup plus vieux que moi. Hey, les insultes à matin, t'étais pas drôle hier à l'émission. T'es vieux. Non, ça c'est pas vrai. Moi, je t'ai pas écouté, fait, je sais pas si t'étais pas drôle. On va laisser le jugement à Steph. On va laisser le jugement à Steph. Si quelqu'un a trouvé des clés dans le stationnement de Buck Barn, ben, Colin, c'était Stéphanie. Fait ben, bref, cherche une clé de voiture sur une belle leech de C'est fou. S'il vous plaît. OK, donc on arrête l'intro, on arrête... Breaking news! Stéphanie Paradis! Stéphanie Paradis, t'as retrouvé tes clés! Ben oui, dans ma sacoche. Moi, je pense que ça se mérite vraiment un petit... Ouais. Histoire pas fausse. Muzzle Blast de Darcy's. Darcy's. Assemblage Ricky. De Darcy's dans comment, ma tête. Copyright, là. C'est Céline qui va nous poursuivre. Non, j'ai de Darcy's. OK. Soirée cachée, c'est fou de ce soir. Et pour en parler, on reçoit Joe Côté, bien sûr. Et tout, c'est Magali Goulet. Non, c'est ça? Camille Goulet. C'est ça. Camille Goulet. Voilà. J'étais à ça. Donc, on remercie Camille Goulet. Magali pour les intimes. Magali pour les... Ben, c'est pareil. Ben oui, dans le fond. C'est Mags, Cams, you know. Joe Côté, bien sûr, que je vais appeler Jimmy. Yes. Pour l'occasion, Jimmy Côté. Pour les intimes, Jimmy. Et Joe Côté, Joe on the side, comme je l'appelle, mais que je n'y ai pas dit dans sa face, mais Joe on the side. Grosse lavette toi-même, Stéphanie Paradis, qui m'écrit des mots de haine sur ce papier blanc. C'est pas fin, ça. Je fais des affiches pour scander mes opinions. Comment je t'avais traité? De grosses lopettes, je pense, quelque chose comme ça. J'ai inventé un mot parce que c'est pas le mot que t'as écrit sur ta feuille. C'est-à-dire que c'était pas ce mot-là. C'est un mot plus vulgaire, un mot pour scénario en anglais, vous savez. Vous pouvez laisser aller votre imagination. You know the plot of that movie? C'est un scénario de film. Tu vas traiter de scénario de film. Un vrai Steven Spielberg. Exactement. Voilà. Je voulais avoir de la soupe de tomate. La soupe de tomate. J'ai écrit à Elmer. Elle, directement à Monsieur le maire? Monsieur Elmer. T'as écrit à Monsieur Yves Lévesque. Bonjour, Monsieur le maire. Monsieur le maire. J'aime bien votre soupe de tomate. J'aimerais bien ça d'avoir une canne gratis. Tu veux évidemment mettre du petit vernis sur tes ongles. Ben, quand elle utilise la colle Elmer, ça, c'est le même que la soupe, hein, je pense. C'est là. Elmer Lévesque. J'ai et son petit goût aigre doux. Les péripéties de JP, épisode 8. Insatisfait de l'accueil mitigé de ses histoires pas de punch, JP réoriente sa carrière. C'était JP lors de sa première prestation de mime. Ah, le public en délire, hein? Ah, quelle réorientation de carrière! Ben pourtant, c'est pas si loin que ça. Des fois, il est pas très présent à part de ses pieds. Non. Hey! Pff, hey, hein? C'est ça. Non, mais bref. Wow, hein? Je dis wow! Oh, j'ai dit wow. Wow. Ben, genre que, tu sais. Non, hein? Mais. Fait que, dans le sens. T'es minute. Comme là? On dit. Il y a ça, là. Gratiné. Puis en plus, gratiné, ça devrait arrêter, là. Gratiné. Je pense que ça va être le mot de la fin. Ouais, là-dessus. Et donc, c'était les instants classiques. On appelle ça un instant classique parce qu'il y en a juste un par bloc. D'Assemblage Rocky, qu'on retrouve du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. En direct à partir de 7h30, c'est avec JP. Et son petit goût d'aigre doux. Sa petite poche de kangourou. Sa petite poche et ses petites noix dans le M&M qui est l'émission. Il y a aussi Stéphanie Paradis. Oui. Et tous les chroniqueurs, nos petits amis. C'est comme les animaux de la forêt. C'est comme dans... c'est quoi le film avec les petits animaux qui chantent? Hein? Toutes, dans le fond. Alvin et les Chipmunks? Non, pas celle-là, non. Ah, ben là, je... Les animaux qui chantent? L'autre. Les animaux qui chantent. Puis ça vole, puis les petits oiseaux sont bleus, puis... Cendrillon. C'est ça. Sûrement Cendrillon. On va dire Cendrillon, puis ça a l'air vrai, donc Cendrillon. Écoutez-nous le matin. Et sinon, allez voir assemblagerequis.com pour télécharger les balados diffusion. Si jamais vous avez manqué là, toute la semaine, ça va juste prendre 8 heures environ, moins les pubs. Fait que ça. Rien là. Il n'y a rien là. Sinon, écoutez les meilleurs moments. Dans le meilleur de C'est fou, c'est les vendredis matin à 7h et les samedis à midi. Ça aussi, il n'y a rien là. C'est juste 3h, c'est plus facile, ça. Puis c'est avec le dîner de con et Assemblage Requis, mashup, you know, freestyle, party mix, people. Bref, c'était cette information. Party mix, oui. Je sais pas si c'est bon gratiné. Oh, bonne question. Hey, sûrement. Qu'est-ce qui serait pas bon gratiné, pour vrai, là? La mort. C'est un peu vulgaire, je trouve. un peu vulgaire. Du kiki. Du cucu.